إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série intitulée « Pour un Ramadan réussi ». Lorsque le mois de Ramadan, ce mois béni, lorsqu'il entre, nous vient à l'esprit la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Cette biographie, avec ce qu'elle contient comme multitude de formes d'adoration, d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous vient également à l'esprit ce qu'elle contient comme empressement à accomplir ses bonnes œuvres. Ce mois béni de Ramadan doit être l'occasion pour nous de renflouer notre compte de hasanat. Et c'est en prenant exemple sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam que l'on y parviendra. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, nous parle justement de l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam pendant le mois de Ramadan. Et il dit entre autres, rahimahullah, que le prophète alayhi salatu wassalam multipliait diverses formes d'adoration pendant Ramadan. Jibril alayhi salam lui enseignait le Coran pendant ce mois. Kana yudarisuhu al-Qur'an. Et ici j'ouvre une parenthèse sur le terme yudarisuhu. Yudarisuhu est différent de yudarrisuhu. Yudarrisuhu, c'est quand l'on enseigne une chose. Yudarisuhu, il y a le sens d'apprendre le Coran, mais que cet apprentissage se fait avec la participation de l'enseignant et de l'élève. Ici, le terme yudarisuhu al-Qur'an, lorsque Jibril alayhi salam venait enseigner le Coran au prophète alayhi salatu wassalam pendant Ramadan, c'est-à-dire que Jibril alayhi salam lisait une partie du Coran, puis le prophète alayhi salatu wassalam lisait après lui cette même partie. Lorsque Jibril alayhi salam rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète alayhi salatu wassalam était aussi généreux que les vents qui apportent avec eux des nuages pluvieux. Et cette pluie est bénéfique à toutes sortes de terres arides ou non arides. Le prophète alayhi salatu wassalam était le plus généreux des hommes. Kana ajwadu an-nas. Et al-jud en arabe, cela signifie le fait de donner de ce que l'on aime, que ce soit nos biens ou nos actions. Donner de ce qui nous est cher comme bien et de le dépenser, par exemple, pour un pauvre, ou de le dépenser pour offrir un présent à un riche, par exemple, mais également d'être généreux de par ses actions, en aidant son frère, par exemple, pour réparer sa voiture, ou pour faire des travaux chez soi, d'offrir de sa personne. Al-Joud, c'est donc, il faut donc le comprendre, cette générosité, il faut donc la comprendre dans son sens général, dans le sens général de ce terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse, c'est-à-dire dans la dépense de ses biens. Il était le plus généreux des hommes, alayhi salatu wassalam, dans les actions qu'il offrait, dans la mise à disposition de sa personne, dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les conseils qu'il prodiguait à sa communauté. Tout ceci entre dans la générosité du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était donc le plus généreux des hommes, et l'était d'autant plus pendant le mois de Ramadan. Il multipliait les aumônes, la bienfaisance, les lectures du Coran, les prières, al-adhkar, les évocations, al-i'tikaf, les retraites spirituelles. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, continue en disant « Et il se consacrait à l'adoration pendant Ramadan plus que n'importe quel autre mois. Au point que parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait en continu 2 jours consécutifs afin de libérer plus de temps, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, le prophète alayhi salatu wa sallam interdisait cela à ses compagnons. Il leur interdisait de jeûner 2 jours consécutifs sans rompre le jeûne. Ils dirent, mais toi tu le fais, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait, ma situation est différente de la vôtre. Mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Ainsi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration, dans son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la gestion de son temps, surtout pendant le mois de Ramadan. Et lorsque l'on entend une telle description, l'on ne peut que s'empresser d'œuvrer le bien et de délaisser le mal. Et ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah wa radiyallahu anhum. Ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres, que ce soit à titre individuel, mais aussi de façon collective. À titre individuel, comme Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an, al-Siddiq, le véridique, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons, « Man asbaha minkum al-yawma sa'ima, qala Abu Bakr ana. » Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr répondit, « Moi. » « Man tabi'a minkum al-yawma janazah, qala Abu Bakr ana. » Qui d'entre vous, ou qui parmi vous, a suivi un cortège funèbre aujourd'hui? Abu Bakr radiyallahu an répondit, « Moi. » « Man at'ama minkum al-yawma miskina, qala Abu Bakr ana. » Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Dit le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr radiyallahu an répondit, « Moi. » Puis le prophète alayhi salatu wassalam conclua en disant, « Majtama'at fi mri'in illa dakhala al-jannah. » Lorsque ces actions sont réunies chez une personne, cette dernière entre au paradis. Quant à leur concurrence, de façon collective, l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte également qu'un groupe de nécessiteux parmi les Ansar, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, sont venus se plaindre des riches au prophète alayhi salatu wassalam. Se sont-ils plaints parce que les riches ont plus d'argent qu'eux? Se sont-ils plaints car les riches peuvent voyager où bon leur semble? Se sont-ils plaints parce que les riches jouissent des biens mondains alors qu'eux en sont privés? Rien de tout cela. Ils se sont plaints car les riches ont de quoi donner en aumône. Ils peuvent participer dans de multiples opérations, qu'elles soient humanitaires ou qu'elles soient caritatives, alors qu'eux n'ont pas de quoi donner en aumône. L'envie et la volonté sont là, mais les faibles moyens, voire les moyens inexistants, ne leur permettent pas de donner en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Zahaba ahlu d-duthur bil ujur » يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم وفي رواية ويتصدقون ولا نتصدق. Ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, les gens riches partent avec des récompenses, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils font des aumônes alors que nous n'en faisons pas. Le souci de ces pauvres parmi les compagnons, radiyallahu anhum, est que les riches les ont surpassés dans le domaine de l'aumône, et ceci les attrista. Mais la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a montré combien les opportunités sont nombreuses, et combien les voies de la concurrence sont diverses et variées en termes d'aumône. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, « Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqoun » Allah n'a-t-il pas mis à votre disposition ce avec quoi vous pouvez faire des aumônes ?« Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa » wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrin bil ma'ruf sadaqa wa nahyin 'an munkarin sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Il leur a dit alayhi salatu wassalam, vous avez dans chaque tasbih une aumône, dans chaque takbir une aumône, dans chaque tahmid, le fait de dire alhamdulillah, une aumône. Dans chaque tahlil, le fait de dire « La ilaha illallah », une aumône. En ordonnant le bien, il y a une aumône. En interdisant un mal, il y a une aumône. « Wa fi bud'i ahadikum sadaqa » Et en ayant des rapports avec votre épouse, il y a une aumône. « Qalu ya Rasulallah, aya'ti ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr ?»« Qala ara'aytum » لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, l'un d'entre nous assouvit ses désirs et il est en plus de cela récompensé. Il a répondu عليه الصلاة والسلام, voyez-vous, s'il avait assouvi ce désir dans l'interdit, aurait-il des mauvaises actions à son action, à son compte? Et bien de la même façon, lorsqu'il les assouvit dans la licéité, dans le halal, alors il en est récompensé. Ainsi, le fait de se concurrencer dans les domaines bénéfiques, cela permet d'accroître ses bonnes actions. Cela permet également d'accroître en noblesse, en guidé et en piété. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ » Quant à ceux qui se dirigent sur le droit chemin, il les guide plus, il les guide plus encore et leur inspire la piété. Se concurrencer dans le bien rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit « وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ » أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Et ceux qui s'empressaient, c'est-à-dire de se conformer à l'ordre d'Allah, seront les premiers, c'est-à-dire à entrer au paradis. Voilà ceux qu'Allah rapprochera de lui. Et nul doute que parmi les œuvres les plus méritoires, il y a la lecture du Coran, la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rappel sage, c'est le droit chemin, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est inimitable, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet duquel le faux ne l'atteint d'aucune part. Le Coran est une révélation, comme l'a dit Allah azza wa jal, tanzilun min hakimin hamid. Le Coran est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, s'est lui-même chargé de le protéger. Ce Coran ne peut donc subir ni altération, ni ajout, ni diminution, et il ne peut être victime d'aucune falsification. Ce Coran est préservé à la fois dans les planches, al-lawhul mahfouz, dans les planches préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran est préservé dans les masahif. Ce Coran est préservé dans les poitrines de ceux qui l'ont mémorisé. Ce Coran est récité par les langues et Allah subhanahu wa ta'ala en a facilité l'apprentissage ainsi que la méditation. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min mudakkir. Nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Le Coran, tout le monde est capable de l'apprendre et tout le monde est capable de le réciter, autant les enfants que les non-arabes. Les langues ne se lassent pas de sa récitation. Les ouïes sont émerveillées à l'écoute de sa récitation. Quant au savant, il ne se rassasie jamais à sa méditation et dans la compréhension de ses sens. Ce Coran, ni les djinns, ni les humains ne peuvent apporter ne serait-ce qu'une sourate similaire. Car ce Coran, c'est le miracle éternel, c'est la preuve éternelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le lire, de le méditer. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un livre béni. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous t'avons révélé, béni, afin qu'ils en méditent l'essence et afin que se rappellent ceux doués d'intelligence. Ce Coran avait donc une place élevée dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette place augmentait à l'arrivée du mois de Ramadan. Comme nous l'avons vu, Jibril alayhi salam venait étudier le Coran avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam le lisait sur ses compagnons radiyallahu anhum. Il demandait à ses compagnons de le lire sur lui alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam donnait et privilégiait ceux qui apprenaient le Coran. Il les privilégiait par rapport aux autres qui ne le connaissaient pas. Il donnait l'étendard à celui qui connaissait le plus le Coran. Il ordonnait que préside la prière celui qui connaît le plus de Coran. Il commençait à enterrer les défunts en commençant par celui qui connaissait le plus le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de réviser souvent le Coran. Il disait alayhi salatu wassalam: ta'ahadu hadha al-Qur'an fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashadd tafallutan min al-ibil fi 'uqulha. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit alayhi salatu wassalam: révisez le Coran, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il part plus vite qu'un chameau s'échappant de son enclos. Et le meilleur moyen de réviser régulièrement le Coran, c'est de consacrer un moment particulier dans sa journée pour sa lecture et de s'y tenir de façon scrupuleuse, sauf en cas de force majeure. La récompense de lire le Coran est immense et décuplée. Il dit alayhi salatu wassalam: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Il dit عليه الصلاة والسلام dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه: celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il aura pour cette lettre une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une seule et même lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Ainsi, mes frères et sœurs, si le musulman prenait son mushaf et lisait le Coran ne serait-ce que 5 petites minutes, puis qu'il compte le nombre de lettres qu'il vient de lire, et qu'il multiplie ce nombre par 10, puis par 700, il constaterait un nombre vertigineux de hasanat qu'il a pu obtenir et réunir en un si court laps de temps. Que dire de celui qui lit le Coran en entier? Que dire de celui qui lit le Coran plusieurs fois dans le mois? Que dire de celui qui lit le Coran une fois par semaine? Que dire de celui qui lit le Coran une fois tous les 3 jours? Cela doit éveiller en nous l'amour du Coran et le désir de compter parmi ses partisans. Parmi les mérites du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa récitation et de sa méditation, la parole du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par Muslim dans son Sahih, selon Aïcha radiyallahu anha, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kiram al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran » Il dit alayhi salatu wassalam: celui qui récite le Coran habilement sera avec les anges nobles et obéissants, tandis que celui qui le récite péniblement aura une double récompense. Il aura une double récompense. La première récompense est la récompense pour la lecture et la récitation du Coran, et la deuxième récompense est la difficulté qu'il a ou les difficultés qu'il a rencontrées lors de cette lecture du Coran. Et parmi les mérites de la lecture du Coran est que le jour du jugement, le Coran viendra intercéder en faveur de ses partisans. Le Coran, le jour du jugement, sera soit une preuve pour toi, ou soit, wal'iyadu billah, une preuve contre toi. Al-Quran hujjatun laka aw alayk, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et tous ces mérites que bénéficie celui qui récite le Coran, il en bénéficie lorsqu'il lit le Coran avec sincérité. Et lorsque la lecture est une lecture modérée, une lecture qui est accompagnée d'humilité, de recueillement, de méditation des sens du Coran, eh bien la récompense est d'autant plus grande. Et sachez que la lecture lente, la lecture posée et réfléchie facilite la mise en pratique du Coran. Car le Coran, le but de sa lecture est sa mise en application. Et le musulman doit rechercher les moyens qui vont lui permettre de mieux méditer le Coran, de mieux le comprendre. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: lorsque tu veux profiter du Coran, alors réunis ton cœur lors de sa récitation et de son écoute. Prête attentivement l'oreille et aie une présence du cœur comme si l'on s'adressait à toi. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à toi à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a là une exhortation pour celui qui est doué de raison ou prête attentivement l'oreille. Ce qui aide à méditer le Coran, c'est une lecture modérée, avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi directement. De s'arrêter également dans les versets qui promettent le paradis et ceux qui menacent de l'enfer. De s'arrêter aux versets qui promettent le paradis et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de faire partie de ses habitants. De s'arrêter après les versets qui menacent du feu de l'enfer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous préserve de son châtiment douloureux. De s'arrêter dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et vérifie que l'on est effectivement en conformité avec cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De s'arrêter aux versets d'interdiction et faire le nécessaire pour s'en abstenir. Et lorsque l'on récite les histoires du Coran, de les méditer et de profiter de leur morale et de leurs leçons. Nous devons donc, mes frères et sœurs, profiter des jours de ce mois béni de Ramadan pour prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam et multiplier nos lectures du Coran. Ainsi, nos récompenses seront abondantes, nos bonnes actions ne feront qu'accroître, nos péchés seront pardonnés, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous et nous obtiendrons par la grâce, la bonté et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala l'entrée dans son noble paradis.